Dialogue à la Comédie Française. Écoutez. Quand nous étions venus à Paris il y a 2 ans, nous n'avions pas pu avoir de place à la Comédie Française. Alors entrons-y tout de suite pour voir s'il reste des places. Après, nous n'aurons plus le temps. Nous sommes libres mardi soir et jeudi soir. Mardi, on joue les fausses confidences. Jeudi soir, le pain de ménage. Que préfères-tu? Je crois que j'avais vu les fausses confidences quand j'étais étudiant. J'aimerais bien les revoir. D'accord, si on peut avoir des places. Madame, n'est-il pas trop tard pour avoir 2 places pour mardi soir? Il reste uniquement des places à la 2e galerie. Parfait. C'est combien? 48 francs. Nous pouvons prendre un programme. Mais bien sûr, je vous en prie. Répétez. Quand nous étions venus à Paris il y a 2 ans, nous n'avions pas pu avoir de place à la Comédie Française. Alors, entrons-y tout de suite pour voir s'il reste des places. Après, nous n'aurons plus le temps. Nous sommes libres mardi soir et jeudi soir. Mardi, on joue les fausses confidences. Jeudi soir, le pain de ménage. Que préfères-tu? Je crois que j'avais vu les fausses confidences quand j'étais étudiant. J'aimerais bien les revoir. D'accord, si on peut avoir des places. Madame, n'est-il pas trop tard pour avoir 2 places pour mardi soir? Il reste uniquement des places à la 2e galerie. Parfait. C'est combien? 48 francs. Nous pouvons prendre un programme. Mais bien sûr, je vous en prie.